Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur l'antenne de Radio Gemozo. Donc, c'est une émission avec Antoine ce soir. Nouvelle émission de Ce qu'il faut savoir. Alors, ce soir, je vais parler un peu de. J'ai annoncé le sujet la dernière fois. Oui. C'était l'écologie politique. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur l'écologie. Je ferai peut-être ça pour une autre émission. En fait, c'est l'économie. L'écologie politique, c'est l'écologie, on va dire, des 50 dernières années. Hein. Et il se trouve qu'il y a un petit fait nouveau depuis. Il y a notre ami Nicole Hulot qui a démissionné. Ah, ça, je me dis, ça tombe, c'est comme coup de bol, ça tombe bien. Là. Pour démarrer une émission, il n'y a pas mieux. Alors, je sais pas, j'ai un invité aussi à ma droite aujourd'hui. Je me suis invité, bonjour à tous, c'est Mika. Bah, tu tombes bien, tu vas nous dire ce que... Ah bah ça m'intéresse. Alors là, est-ce que je peux parler de Nicolas Hulot déjà? Bah oui, c'est ce que j'allais te poser la question. Alors. Mais je vais vous... On dit bonjour à Lou également. Eh oui, bonsoir tout le monde. J'aimerais poser une question également, répondre en posant une question. Est-ce que vous pensiez, Lou et Antoine, qu'Hulot allait rester jusqu'au bout du mandat Macron? Est-ce qu'il allait rester... Toi, tu pensais, Antoine, qu'il serait ministre jusqu'au bout? Je pourrais en parler, mais... j'en aurais parlé après, de toute façon. Ah, mince. Mais en fait, pour le sujet de ce soir, je ne sais pas si tu connais le journal La Décroissance. Ah, oui, voilà. Oui. Il y a 10 ans, ils avaient fait signer une pétition, le pacte contre Hulot. Voilà, je ne sais pas si tu te souviens du cinéma qu'ils nous avaient fait en 2007. Pas juste avant la campagne présidentielle. En 2007, j'étais pas né. Désolé. Voilà, bah, mais tous quel les, culot tous les candidats, et en fait, ils étaient invités à signer le pacte écologique. Et en fait, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que ils étaient tous venus faire les beaux devant les caméras. Il nous a fait tous au cinéma autour du pacte écologique. Puis après, hop, plus rien, plus d'écologie. Il est complètement disparu pendant la campagne. Ça m'a frappé, puis il n'y a pas longtemps, je relisais un article de je ne sais plus quel journal, avec, comment il s'appelle, un journaliste, là, ça m'échappe d'un coup. On le voit dans l'émission 28 minutes sur Arte. Et il écrivait que, ce que j'étais en train de dire, qu'en fait, il avait complètement... Il a fait plus de mal à l'écologie qu'autre chose, hein, avec son pack écologique. Alors, je te parlais du journal La Décroissance, pour répondre à ta question. Ils avaient signé, en fait, il y avait le pacte que tu pouvais signer sur Internet. Et ça commençait par la citation suivante. « Je propose d'élever Nicolas Hulot au rang de père de la nation. » Et même profitant des bonnes relations qu'entretient le père de le président de la République avec le pape, de le canoniser. Il serait en effet prudent de le mettre à l'abri de la justice, qui risque de lui demander un jour des comptes. Car c'est bien lui, qui verdit l'argent des grands spéculateurs, des plus grands pollueurs, avec sa fondation. Alors, citation de Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques. Et qui était candidat aussi à la dernière présidentielle. Et qui était venu à Remiremont, invité par Jean Ingré. Tu t'en souviens? Il était venu pendant les présidentielles. Bah, il était déjà venu à Saint-Amé aussi. Hein. Ah oui, bah, il a un peu comme moi qui a un bel accent. Hein. Des fois, il a un tel accent qu'on comprend pas ce qu'il dit. C'est un peu comme moi aussi, des fois. Alors, bah, c'est quoi Nicolas Hulot? Bah, pour moi, c'est une sorte d'idiot utile du capital. J'étais sûr qu'il n'allait pas rester de toute façon. D'ailleurs, je parlais du journal La Décroissance, ils avaient écrit ça depuis le début. C'est écrit, ils avaient titré Brice Denis, ministre. Je vois que le parallèle est bien trouvé, comme ça fait rire tout le monde. Ouais, très très bien trouvé. Alors, bah tiens, une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'avais été à Bure. En fait, je discutais avec tous les militants qui étaient qui venaient au concert. C'était un truc un peu festif. Avec les buraleurs, non? Oui, bah, ils sont toujours là, oui. Et à un moment, je discutais avec quelqu'un que je ne connaissais pas, je commence à me moquer de Greenpeace, et puis là, il commence à me parler de Greenpeace. En fait, la femme dit qu'il m'expliquait qu'il était, il venait de démissionner de Greenpeace. C'était un des dirigeants de Greenpeace, justement. C'est drôle de hasard, mais il m'a dit que, enfin, je n'ai jamais su son nom, mais je ne sais pas, chercher à le retrouver de toute façon. Et il m'a dit qu'en fait, il était responsable de la branche, je crois que c'est nucléaire militaire, à Greenpeace. Il disait, en fait, c'était le secteur qui était le moins considéré. Et il a démissionné parce qu'en fait, il m'a expliqué que je pourrais parler des verts aussi, j'en parlerai aussi de tout à l'heure. Ah, pourquoi l'écologie dans un aussi triste état, écologie politique aussi triste état en France? En fait, il m'expliquait que dans Greenpeace, il y avait tout un tas de gens qui sortaient écoles de commerce, grandes écoles, et qui cherchaient un plan de carrière. Et là, ils se rendent compte que tout ça, les associations écologiques, en fait, c'est un beau tremplin. On pouvait voyager, ouais, partout sur la planète en avion en polluant, c'est comme le con, là. Ils se moquaient du fond. Non, mais c'est des gens sans morale, sans scrupule. Et finalement, ils entraient dans Greenpeace, c'était presque des infiltrés, quoi. Non, mais c'est des gens, ils trouvaient ça... En plus, c'est sympa, ils peuvent rencontrer des gens intelligents, ils peuvent faire le beau devant les caméras, ils sont bien payés, en plus. C'est pour ça qu'il a démissionné, le gars que demande le peuple. Oui, bah oui, c'est ce qu'il m'expliquait. Il était dégoûté. Mais ça, c'est ce qu'on a trouvé dans les partis politiques aussi. J'en parlerai tout à l'heure, peut-être, des Verts. Mais Europe Écologie Les Verts, c'est un espèce de champ de ruines en ce moment. Il n'y a plus personne qui parle d'écologie. Hein. Mais en fait, tous ces gens-là, ils sont rentrés dans les associations, les partis politiques, puis, uniquement pour avoir des places. Hein. Bon, d'ailleurs, je vais continuer à parler des associations écologistes. Est-ce que tu connais un ancien président de Greenpeace ? Lou ? Non. Yannick Jadot, ça te dit quelque chose ? Ben, le nom, ça me dit un peu quelque chose, mais je vois pas. Voilà, des députés européens. Ah oui. Ah, il est, je sais plus, il avait déclaré il n'y a pas si longtemps, hein, il avait dit que c'était incroyable d'avoir autant d'opportunistes dans sa partie, en citant son parti. Ça, c'est quand même un avis d'expert. Hein, faut de... Mais bon, de toute façon, il y en a partout, hein, des opportunistes. Oui, mais là, je crois que là c'était... Alors, je voulais parler aussi des associations entreprises. Alors, je te citais Jean Lassalle tout à l'heure. Alors... Tu connais peut-être certaines on va dire associations ou fondations écologistes. Ah ben justement... Nicolas Hulot, il avait ça, la fondation. Ben Nicolas Hulot. Voilà. Non, ben il y a la WWF, là, je vois mes... Mais non, mais je vais en parler aussi, parce que c'est pas mal. Mais la fondation de Nicolas Hulot, elle portait pas son nom ? Si, encore. Si ? Bon, à un moment, il voulait me le virer, je crois, parce qu'il... Mais juste le temps, la petite parenthèse, quand même, hein, par rapport à Nicolas Hulot. Bon, Lou, oui. Par son jeune âge, n'a sans doute pas connu l'émission télé Ushuaïa. Je ne regardais pas la télé. Non, il me semble que ça existait, mais je ne regardais pas beaucoup la télé. Elle connaît le gel douche, au moins. Oui, mais en fait, à cet âge-là, je regardais plutôt les chaînes de dessins animés, donc voilà, j'avais pas les mêmes intérêts que maintenant. C'était Nicolas Hulot qui l'animait, d'ailleurs créé. Ça, j'en ai entendu parler. Et je crois que ce qui pouvait paraître contradictoire, et tu vas me confirmer ça, Antoine, c'est que, alors qu'une émission qui se disait écologiste, mais le générique, enfin, les partenaires, c'était ont été... On va dire partenaires ou plutôt sponsors, oui. Ont été ou sont encore sponsors de la Fondation Nicolas Hulot, pardon. EDF, Ibis, L'Oréal, TF1, Autoroute du Sud de la France, Bouygues Télécom, Noroto, Valorplast, IPI Télécom Group, Société Générale, EasyVisio, Neticar, Praticsis, Forbo Salido, Iguzini, Imochan et l'État français. C'est pas mal quand même, hein. C'est très écolo, surtout comme partenaire. Autoroute du Sud de la France, c'est pas mal comme truc. Puis EDF, c'est pas mal aussi. pour l'écologie. Mais moi, je crois, juste par rapport, donc là, tu me dis par rapport à sa fondation, moi, je me souviens, par rapport à l'émission, je crois que c'était Ron Poulenc. Ouais, ouais, effectivement, ouais, je me souviens de ça, oui. Ron Poulenc, oui, ça n'existe plus maintenant, mais... Donc, on a le droit de citer. Alors, je peux continuer avec Yann Arthus Bertrand aussi, un peu dans le même genre. Alors, lui, c'est le Banque Lombard-Odier, Suez Environnement, BNP Paribas, Air France, c'est des vrais écolos, hein, pas de contestation possible. Apple, ça, c'est bien aussi ça. La Banque Postale, GDF Suez, Baïf, la Camif, France 2, Canon, Valver, et puis Alti, Groupe Samez, et encore, pareil que l'État français sous diverses formes. Et l'un que j'aime bien aussi, c'est le WWF, avec, qui est présidé par... Oh, c'est toujours difficile avec Antoine, je n'ai même pas révisé en venant ici. Moi non plus, mais heureusement que j'ai un ordinateur. Donc, allez, un petit effort. J'ai l'impression, à chaque fois que je viens... Il vient de chez les Verts aussi, c'est incroyable. Attends, parce que... Non, mais je veux quand même dire qu'à chaque fois qu'on vient de voir, on a l'impression de repasser à l'école. Un économiste, il était ministre de Hollande. Il a failli être ministre de Macron il n'y a pas longtemps. Pavan Skoudef, c'est ça? Non, c'est Pascal Canfin. Ah bah, moi j'ai Pavan Skoudef sur la page Wikipédia. On ne connaît pas... Mais il est économiste aussi. Ah oui, bon, alors le WWF, c'est bien aussi, parce qu'il faut de la pub, forcément, donner de l'argent pour aider à sauver toutes les pauvres bêtes. Et il est beau, leur logo. Ouais, oui, ouais. Il est très joli. C'est quoi, c'est un panda? Oui, voilà. Bah oui. Ah, eux, ils sont sponsorisés, ils ont été sponsorisés par la Caisse d'Épargne, Carrefour, Castorama, Gaz de France, Lafarge, La Fuma. Pierre et Vacances, Rip Curl, Tetra Pak, Almark, Monoprix, Olympia, Aéroport de Paris, Canon, Orange, Oxford, Brulot, Pinky, Buniros. Un petit commentaire? Bien sûr, là encore, ça paraît légèrement contradictoire quand on porte un message écologiste d'être sponsorisé par des pollueurs. Remarque, ils ont été sponsorisés par Carrefour, c'est quand même pas mal aussi, les autres non. Les autoroutes, des banques, les champions de la distribution, c'est quand même pas mal. Hein. Lafarge aussi, c'est bien pour les cimenteries, c'est pas que c'est... pour le climat, c'est bien aussi ça. Pourquoi et comment acceptait-il d'être sponsorisé par ces groupes? Il paraît que les bisounours, ils soutenaient Nicolas Hulot pendant la campagne. L'excès au présidentiel. Arrête, c'est toute mon enfance, c'est les bisounours. Oui, mais tu sais pourquoi les riches, ils aiment bien l'écologie? Non? Non. Je ne sais pas si ça suit ce qui se passe aussi en Allemagne, en Belgique et puis en... Ah ben, pour l'Allemagne, c'est Lou. Va avec Lou. Elle va te faire même la réponse en version originale. Aux Pays-Bas. En fait, il paraît qu'il faut une percée dans les... Enfin, dans les urnes. En fait, c'est surtout les centres urbains, tout ça, c'est... C'est une catégorie de la population, on va dire, qui vote plutôt... Mais en fait, si les gens aiment bien Nicolas Hulot, c'est parce qu'il n'est pas méchant, il est gentil. On en revient. Il est totalement gentil. On en revient. Ce dont on parlait, Antoine et moi, Lou, tu n'étais pas là. Juste avant l'émission, je me remémorais effectivement ma jeunesse en 1995, l'élection présidentielle, les guignols, manger des pommes. On l'aimait bien, il était gentil. Il est le petit cucu, petite maman. Au cucu des vaches, hein, on l'aimait bien. Souvent, les gens gentils, notamment au niveau politique, enfin, on les trouve gentils, inoffensifs, et on leur donne les rôles principaux de notre politique. Politiquement, il est complètement inoffensif, Nicolas. D'ailleurs, c'est bien le problème pour les écologistes. Hein, Mais même Chirac, maintenant que je citais, hein, il est inoffensif totalement. Lui, même plus en politique maintenant. Je pense qu'il est chez lui et inoffensif. Même pour Bernadette. On s'accorde une pause musicale? Avec plaisir. Et tu as choisi un morceau de Maxime Le Forestier, Comme un arbre, qu'on s'écoute tout de suite. Et on se retrouve juste après. Dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville, J'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débats, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison et mes racines. On les recouvre de gris, comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres servies. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthumes, entre béton et comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre dans la ville. Voilà, de retour sur l'antenne de Radio Gamozo. Ce soir, on parle donc d'écologie politique. Alors, je vois que vous n'avez rien révisé du tout. Toi, je vous l'avais dit, hein, mais... Ouais, j'étais pas au courant, hein. Puis de toute façon, j'ai dit que tu me remémorais l'école, et à l'école, je ne révisais jamais. Ouais, bah, c'est du propre. Tu vois ce que je suis devenu? Les voilà. Enfants étudient à l'école. Je précise, l'écologie politique, c'est pas ceux qui font l'écologie dans les partis. Parce que on va dire l'écologie, c'est presque plus dans les associations que dans les partis. Hein. Mais ça, c'est comme tout dans tous les secteurs. Je veux dire, ceux qui font réellement le taf, ce sont les associations. Ah bah, on le voit sur le département, par exemple. Enfin, une petite aparté locale, hein, c'est ce qu'on voit le plus, c'est quand même... Vosges Nature Environnement, voilà. On peut le dire. Oui, ils sont très actifs. D'ailleurs, je les ai rencontrés pas plus tard qu'au Festival La Vida, le 29 octobre. Ils ont encore plein d'actions, plein de choses à faire. D'ailleurs, tant que j'y pense, hein, j'invite les auditeurs parce que mon programme a changé. Je vous invite à m'écouter demain soir de 18h à 19h. On va parler du mouvement Nous voulons des coquelicots. Donc, on continue un petit peu dans la branche. Elle fait son autopromo dans ton émission, Antoine. Ouais, bon, elle n'a pas révisé en plus. Ouais, mais je fais la technique, moi. Ouais. Oui, ouais, je vais dire quelque chose, moi, c'est pas grave. Alors, vous connaissez d'où est arrivée l'écologie politique? Mais non, tiens. Qui de l'œuf ou de la poule? Qui de l'écologie ou de la politique qui a donné naissance à l'écologie politique? Si vous n'avez rien révisé, je vais vous expliquer. En fait, assez bizarrement, c'est venu des États-Unis. Quand? Ah bon? Eh oui, c'est assez étonnant. Peux-tu nous dire quand? En fait, le point de départ, c'est un peu difficile à dire, de donner une vraie date, mais si je pourrais donner une date, pardon, c'est pour être septembre 62. Est-ce que le nom de Rachel Carson se dit quelque chose? C'est une femme en plus. C'est très très très loin. Oui, c'est pas parce que c'est une femme que je suis supposée de connaître toutes les femmes de l'histoire, mais non, ça me dit vaguement quelque chose. J'ai dû entendre ça au lycée ou à la fac, l'un des deux, au choix. Oh, c'est elle que je vois en photo. Oui, oui. En fait, je faisais mes courses cette fois là, et puis j'ai pris une revue qui s'appelle Biocontact. Oui. C'est un article de Fabrice Nicolino, je sais pas si tu connais. Allez, il écrit dans Charlie Hebdo. C'est une des victimes des attentats de 2015. Donc, il nous a fait un petit article sur les pesticides. Et il écrit en 1962, paraît aux États-Unis un livre extraordinaire, Silent Spring. Donc, en français, le printemps silencieux. Un livre qui fait beaucoup de bruit, paradoxalement. Ça, c'est du slogan. Rachel Carson, qui l'a rédigé, est une biologiste de la mer déjà fort connue. Pour la première fois de l'histoire du monde, écrit-elle, l'homme vit au contact de produits toxiques, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Ces élixirs de mort sont bien plus dangereux que les anciennes préparations. Même celles qui contenaient de l'arsenic, car elles pénètrent jusque dans les plus intimes cellules des corps vivants, où elles apportent le trouble et souvent la mort. C'est un tremblement de terre, d'autant que Carson a fait relire son texte par de grands scientifiques. Le verdict, très documenté et sans appel, les pesticides sont un poison global qui menace la vie, les organismes vivants, les hommes. L'année suivante, en 1963, le livre est traduit en France avec une préface du grand Roger M, qui est à cet instant le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle et le président de l'Académie des Sciences. M écrit ces mots que nul n'ose plus utiliser. On arrête les gangsters, on tire sur les auteurs de hold-up, on guillotine les assassins, on fusille les spots, ou prétendu tel. Mais qui mettra en prison les empoisonneurs publics, instillant chaque jour les produits que la chimie de synthèse livre à leur profit et à leur imprudence. C'était en 63. Ça paraît proche quand même. Bah oui, on est exactement dedans. Alors, à 63, mes parents étaient nés, tout juste. Voilà. Alors, François Lenel, qui est directeur du laboratoire de phytopharmacie de l'INRA, et Guiviel, proche de plus longtemps d'industrie, écrivent. Il faut d'abord souligner que les documents de Rachel Carson sont essentiellement américains. Il est alors déplorable de laisser croire au public de langue française que les mêmes excès se sont retrouvés chez nous. Le livre de Rachel est pour lui une œuvre néfaste. Lucien Bouix, chef du puissant service de protection des végétaux, SPV, créé en 1941 dans le cadre du ministère de l'Agriculture, réclame que le livre de Carson ne soit plus cité dans les publications officielles. Henri Siriez, administrateur du SPV de Bouix, haut fonctionnaire de la République, éructe. La campagne haineuse et hystérique promue actuellement contre les produits agrochimiques par des environnementalistes panicards et irresponsables a ses origines dans un best-seller, un hybride de science et de fiction, Printemps silencieux. Tu vois, c'est on pourrait croire que c'est une polémique. D'actualité. Oui, voilà, c'est exactement ça. Hein. Et on voit qu'en 55 ans, on n'a pas avancé. Et vous avez vu, il y a récemment un fait d'actualité parmi tant d'autres, hein, mais dans un petit village, les bébés qui naissent mal formés. Ouais. Il y a eu beaucoup. Je peux te donner autre info. Là. J'ai déjà lu dans le Canard enchaîné. À cause des pesticides. T'as bien la cible. Alors, d'ailleurs, c'est rappelé dans cet article par Fabrice Nicolino. Il dit. Malgré les apparences, rien ne bouge. En cette fin d'année 2018, le système qui a permis la dissémination des pesticides est encore debout et le meilleur exemple, bien que sinistre, est celui des SDHI. Est-ce que tu as entendu parler de ça ? Non. C'est possiblement un futur scandale sanitaire. Personne n'a jamais entendu parler de ces pesticides. En l'occurrence, ce sont des fongicides qu'on épand partout sur les deux tiers des surfaces de blé tendre. En deux mots, ces SDHI bloquent le fonctionnement d'une enzyme qui permet aux champignons ravageurs de respirer, ce qui les fait mourir. Mais voilà que le 18 avril 2018, des scientifiques prestigieux de l'INRA, du CNRS, de l'INSERM, de l'université, lancent un incroyable cri d'alarme. Alors, ce qui est hallucinant, on n'a pas entendu parler du tout. Hein. Je vois l'amour que tu fais, donc on n'a pas entendu parler. Hein. Mais c'est pas une blague, hein, ça avait été repris par le Canard Enchaîné. Donc je continue. L'enzyme inhibée par les SDHI existe dans tous les organismes vivants, humains compris. Et la crainte que leur usage partout en France ait un rapport avec l'augmentation de pathologies lourdes, encéphalopathie grave pour les jeunes enfants, tumeurs chez les adultes, prédisposition à certains cancers ou encore Parkinson. Les organismes de contrôle ont laissé passer sur la base de documents incompréhensibles, même pour les chercheurs. Bref, nous ne sommes absolument pas protégés contre des poisons mortels. C'est actuel, ça. Hein. Bah oui, oui. Bah, ce que je disais tout à l'heure sur les malformations. Voilà, le blé tendre, c'est la farine qu'on achète au supermarché. Hein, puis tout ce qu'on trouve dans les produits transformés aussi. C'est partout. Voilà, sauf dans les pâtes. Manger des pâtes. Voilà. Alors, je citais Rachel Carson, et puis il y en a deux autres aussi, je vais citer rapidement, c'est Barry Commoner. Alors, lui s'est fait connaître dans les 60. En fait, il luttait contre les essais nucléaires. Je pense qu'il a dû lutter aussi contre le nucléaire en général. C'était le premier candidat écologiste aux élections américaines. Je crois qu'il a créé aussi l'association Public Citizen. Alors le deuxième que je voudrais citer, le nom te dit peut-être quelque chose, puisqu'il est un peu lié au premier, parce qu'il était également quatre fois candidat à l'élection présidentielle américaine, celui de Ralph Nader. Et lui, il a fait partie aussi de Public Citizen. Alors, il est l'auteur du meilleur score d'un écologiste à l'élection américaine, présidentielle américaine, avec 0,57% des voix. Ça te fait rire, en plus. En France, c'est pas beaucoup mieux. Les écologistes aux élections. Bah, il y en a des bons. Hein. Je vais peut-être en parler de certains, parce qu'il faut que je trouve le portrait de Noël Mamère, parce qu'il est... Il est gratiné, hein, ça, c'est impressionnant. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Je parle pas des autres, les Rugy, les Canfin, c'est hallucinant quelle vitesse ils sont là à la soupe. Mais ma génération, comme la tienne, Antoine, nous avons la quarantaine, mesdames, si vous nous écoutez, Noël Mamère, on l'a connu comme animateur télé. Oui, oui, effectivement. Et j'allais dire du jour au lendemain, bon, j'exagère un peu. Mais on l'a vu arriver à l'écologie, à l'engagement politique, c'était assez surprenant. Oui. Bah, je sais pas ce que disait Audiard. Bah, il en a dit tellement, il va falloir... Les cons, ça surtout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est excellent. Bah, ça, c'est dans quel film, je sais déjà pas, je sais plus quel film. Bah, je sais pas si c'est un con, mais en tout cas, il a beaucoup osé. Hein. Il n'est pas le seul, hein. Alors, on se fait une autre pause musicale. Avec plaisir. Et le morceau suivant que tu as sélectionné, c'est le morceau La Maison près de la fontaine de Nino Ferrer, qu'on s'écoute maintenant et on se retrouve juste après. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. s'écrevisse avec monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir, avec les petites filles et les canards. HLM a fait place à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Pas si mal, et c'est normal, c'est le progrès. Voilà, de retour sur l'antenne de Radio Gamozo, avec la chanson Nino Ferrer. Quand même un peu triste, je trouve. Ouais, petite parenthèse, je trouve dommage que vous qui nous écoutez, je sais pas pourquoi j'ai rajouté un i, ne puissiez pas voir ce que Lou et moi voyons. Antoine, c'est toujours autant le caillon avec toi. Ah ouais, faut bien il y en a mis partout des magazines. Bon, c'est toujours principalement. Non, mais je fais des trucs de tête aussi, je sais pas. Oui, ça, oui, également. Mais c'est vrai non, que. Non, mais je prépare mon émission, c'est-à-dire que je sélectionne et puis je lis aussi ce que je vais. Alors, tu m'as écouté, coupé, je parlais de la chanson de Nino Ferrer. Hein, c'est vrai que. Enfin, je trouve qu'elle. Là aussi, d'actualité. Bah, c'est surtout que c'est quasiment une chanson décroissante. C'est une branche aussi de l'écologie politique. Et d'ailleurs, Nino Ferrer, je ne sais pas si vous le savez, et si vous avez l'occasion, vous êtes près de votre ordinateur, tapez... C'est pas écolo, ça. Hein ? C'est pas écolo, ça, les ordinateurs. Et il peignait, et il a fait des super tableaux, notamment, il y a un arbre, là, c'est écolo, du coup, main, un arbre main. Et j'avais adoré aller voir, taper, notamment, peut-être dans votre moteur de recherche où il y a les images, vous verrez des tableaux de Nino Ferrer, on ne le sait pas forcément. Mais il était peintre aussi. Ouais, bah il nous a quittés tragiquement d'ailleurs. C'est un peu triste quand même sa fin. Bon. En visitant une maison, je sais pas quoi. Non, il s'est suicidé, mais c'est parce qu'il avait pris trop de médicaments apparemment. Contre la dépression. Bon, on va parler d'autre chose. Alors, on va parler des écologistes français, du mouvement l'écologie politique. Est-ce que tu sais à quelle époque elle arrive en France ? Ben, j'ai d'un coup des personnages qui me viennent, je ne sais pas pourquoi. Le monsieur chauve, Wechter, la Londe, beaucoup de chauves. ça c'était, je parle avant. Oui, bien avant, bien avant. Bien oui. Avant. En fait, ça arrive au tout début des années 70. Alors pourquoi ? Alors, tu ne peux pas te souvenir de ça, moi non plus, parce que de toute façon, on n'était pas nés. En fait, on sort de 25 ans de croissance sans limite. C'est aussi, c'est une époque en 71, il y a des scandales immobiliers qui vont éclater. Alors, il y a deux affaires qui vont secouer le pouvoir, c'est celle de la garantie foncière, le patrimoine foncier. Parce que sous les années Pompidou, en fait, ce qui est resté associé à Pompidou, c'est de bâtir à tout va. Parce que lui, c'était l'habitation, tout ça, mais aussi les autoroutes. Bon, tout ça, c'est pas très écolo, hein, au moins qu'on puisse dire. Et c'est à partir de cette époque qu'on a commencé à parler d'écologie. Donc c'était finalement pour aller contre la démarche de Pompidou. Non, mais en fait, il y a eu un réveil, on va dire un réveil collectif. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on allait vers une impasse. Je pense que c'est risque de voir que, après toutes ces années, il ne s'est rien passé finalement. Mais... Parce que tu connais la première grande figure de celui qui est considéré comme le père de l'écologie française. Donc je peux toujours remballer mes Lalonde, mes Wechter, mes Dany le Rouge. Parce que je vais peut-être t'apprendre ton truc, mais en fait, c'est quelqu'un qui écrivait dans Charlie Hebdo. Je sais pas pourquoi, moi j'ai Cabu qui me vient tout le temps. Louis de Mila, non, t'as pas regardé sur l'ordinateur, non? Barbe bleue. Non, en fait, je crois que les anciens de la radio, s'ils ils écoutent ça, ils veulent Costorlin. Hein, c'est pas terrible, quoi, assistant. Ah, mais c'est rien du tout. Bon, en fait, je vais lever le voile. En fait, il s'appelait Pierre Fournier. En fait, pour pas vous en souvenir, parce qu'il est mort à 35 ans, en 73. Il est mort d'un arrêt cardiaque. Il avait problème de cœur, un peu comme Boris Vian. Et il était... en fait, c'était un sourdoué du dessin. Il est un peu comme Cabu, d'ailleurs. Mais, et il se trouve que dans Charlie Hebdo, il y avait aussi Cabu. Qui débutait. Voilà, mais en fait, les deux étaient copains, ça c'est certain. Et en fait, il était dans Charlie Hebdo. Mais montre-moi voir la photo. Montre voir le magazine, parce que là, j'avais cru que c'était Bobby Lapointe. Ah non. Et il ressemble presque. C'est pas faux ce que tu dis. Effectivement, il ressemble à Bobby Lapointe. Un petit peu. Alors, mort à 35 ans. Mais t'es sûr d'où est le dessin. J'ai lu qu'il a commencé à faire des BD, des trucs assez conséquents à l'âge de un peu plus de 10 ans. Hein. Il y a des gens comme ça qui ont des... C'est un don. Voilà, c'est après, il faut travailler, hein, bien évidemment, mais... Alors, portrait de Pierre Fournier, d'après Laurent Fournier, je pense que c'est un de ses fils. Hein. Donc, après avoir cherché d'autres moyens de gagner sa vie qu'en dessinant, Pierre Fournier fut journaliste par défaut, mais un grand journaliste qui ne sait pas dérober la tâche. Il est étonnant qu'avec le recul que quelqu'un qui travaille seul, sans carte de presse, et sans Internet, fut capable de réunir, de mettre en perspective et de publier chaque semaine avec une telle efficacité, un tel sens de l'esthétique, tant d'informations pertinentes et directement applicables, introuvables ailleurs dans la presse. Revenu de l'extrême droite, aimant les naturistes et autres végétariens, admirateur des objecteurs de conscience et non-violents, et nostalgique d'un mai 68 auquel il n'avait pas participé, Fournier interpellait les gauchistes. Grâce à la tribune formidable que lui offraient François Cavana et Georges Bernier, alias Choron. Voilà, Choron. Professeur Choron. Fondateur de l'extraordinaire équipe de Harakiri et de Charlie Hebdo, dont le slogan « Bête et méchant » était le bouclier le plus sûr contre l'hypocrisie ambiante et permettait tous les raccourcis d'aller au cœur du sujet avec une telle efficacité sans pareil, sans gâcher ni le papier ni le temps des lecteurs. Exemple, Jacques Monod a signé un manifeste sur la pollution interne par l'abus des médicaments. Faut le faire quand on est directeur de l'Institut Pasteur. Eh bien, il n'a pas la trouille des contradictions. Mais est-ce que j'ai mal entendu? Tu as parlé de l'extrême droite. Il en a fait partie? Oui, oui. Oh, mais ça arrive des fois. Hein. C'est des gens qui se rendent compte, en fait, c'est une impasse. Hein. Oui, c'est comme tu disais, revenu de l'extrême droite. Voilà. Mais il a quand même été tenté, ben, il y était... Voilà. Ah, c'est dommage, parce que c'est un numéro de Charlie Hebdo de 72. Hein. Je l'ai oublié en partant. Donc j'aurais pu monter ce dessin. Hein. Alors, je continue. Comme ses maîtres Dürer et Hokusai, Pierre Fournier dessinait des paysages naturels ou d'humains où aucun trait n'était mécanique ou laissé à lui-même, qui ressemblaient à des architectures. Dans la France hébétée par le progrès de la fin des années 1960, fier de son ignorance arrogante et servile dans l'idéologie, si hypocrite dans son enrichissement rapide, Fournier voulait empêcher de disparaître ce qui restait de beauté dans les villages, les villes, les gens. Les copains se foutaient de ma gueule parce que j'insistais. Je me tuais à insister sur la nécessité de restaurer les vieilles maisons avec une fidélité scrupuleuse. Respecter à tout prix le site, sa beauté, le message sentimental dont il était porteur. Deux siècles de puritanisme bourgeois transmué ou non en puritanisme révolutionnaire les avaient dressés à juger la beauté secondaire. La beauté, c'est l'essentiel. Ils ne pigeaient pas toujours non plus pourquoi j'insistais tant sur les réalités biologiques. La diététique, c'est marrant, l'hygiène, c'est folklorique, la santé, c'est con. Bye. Juste un petit aparté sur la beauté. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment la même notion de beauté que tous ceux qui trouvent qu'une autoroute, c'est bien. Qui trouvent que les voitures de sport rouges, c'est bien. Enfin, c'est toujours bien quand on n'habite pas à côté de l'autoroute, surtout. Mais vous le savez, la beauté, c'est subjectif. Oui, c'est un concept tout à fait subjectif qui est soumis, je crois, au jugement, au contexte, à ce qu'on ressent, à ce qu'on reçoit. Mais bon, je crois qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Pas tant que ça, en fait. Hein. Alors, pourquoi je parle de Pierre Fournier ? Non, bah, si vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas savoir. En fait, il est créateur du premier journal d'écologie politique en France. Qui n'existe plus ? Ça fait longtemps que ça n'existe plus. Et qui s'appelait ? La gueule ouverte. Là, mais peut-être des anciens de la radio qui écoutent cette émission, hein, ils doivent se souvenir de ce journal. Hein. Alors, je crois que notre ami Michel, il m'a dit qu'il est des vieux numéros. Hein. C'est 70, années 70. En fait, ça commence en 72. Enfin, lui, il meurt quelques mois après. Le journal continue jusqu'en 1980. Voilà, ben en fait, on peut dire que certains le considèrent comme le père de l'écologie politique en France. On rappelle le nom Pierre Fournier. Pierre Fournier, oui. Alors, c'est encore une petite pause musicale. Une dernière, si tu veux, t'as proposé un morceau de Jacques Dutronc, Le Petit Jardin. On s'écoute ça et on se retrouve juste c'est après. Un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin une voix chanta de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, de grâce, préservez cette grâce. De grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin. Avec un homme qui faisait son jardin. Au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour près du jardin passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin une voix chanta de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, de grâce, monsieur le promoteur. les fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Alors, on écoutait Jacques Dutronc. Oh, ça fait du bien. J'adore Jacques Dutronc. Interrogation. Alors, c'est quoi le rapport entre les trois chansons que j'ai choisies ce soir ? Le jardin, la nature. Petite idée ? Moi, j'ai les titres des trois chansons sous les yeux. Il y a comme un arbre, la maison près de la fontaine. Non, mais c'est pas ça le rapport, je te dis tout de suite. Donc non, c'est pas de toute façon, c'est un rapport avec ton thème du jour, l'écologie. Oui, le thème nature. En fait, ce sont les trois de la même année. Ah. C'est trois énormes succès. Hein. C'est 72. Ça fallait chercher. Ah oui, tu vois que c'était vraiment dans l'air du temps. Même époque en plus de ce que tu viens de nous dire sur Pierre Fournier, le papa de l'écologie. Voilà. Alors, il y a quelqu'un dont je voulais parler aussi. Moi, j'aurais pas le temps d'en parler beaucoup, mais. Premier candidat à l'élection présidentielle française. Parler de... Je peux toujours pas sortir mes Vechters, Lalonde et compagnie, hein, c'est bien après. Non. Non, toujours pas. Ben non, comme ça de tête. Moi je te dis, les premiers que je vois, c'est ceux que j'ai cités. J'en vois pas avant. J'étais trop petit, haut. Oh. Ah, ben, vous êtes pas doué quand même. Hein. Pourtant, il est connu. Hein. Ah ben, ça peut pas être Cohn-Bendit. Hein. Non, ben, non. Pitié. Non, en fait, il s'appelait René Dumont. Ça vous dit rien ? Non. Bon. Excellent acteur, René Dumont. Ça sonne un peu comme un nom d'acteur. Un acteur de l'écologie. Voilà, en fait, il était un ingénieur agronome. Et au cours des années 60, il change peu à peu de position. Sa conversion ne fut pas une révélation soudaine. Donc, c'est des mots que je lis qui sont de François Jarige, toujours dans la croissance. Sa conversion ne fut pas une révélation soudaine. Un choc, mais un cheminement. Alors qu'il sillonne le monde pour étudier les sociétés paysannes, il prend conscience des limites écologiques qui condamnent les modes de production fondés sur la chimie et les énergies fossiles. Il devient alors un écologiste socialiste et un profondeur d'une écologie destructrice. Croissance pour qui ? Croissance pour quoi faire ? Demande-t-il. Pour lui, l'enjeu n'est plus de permettre au tiers-monde de rattraper son retard au moyen d'un développement technique intensif, mais de contester les modes de production et de systèmes techniques dominants. J'ai reconnu à cette époque toute l'étendue de mon ignorance, confessera-t-il. En quelques années, il s'imposera comme une figure de proue du mouvement écologiste mondial jusqu'à être le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle de 1974. Son statut de converti fait certes débat. Beaucoup parmi les écologistes repoussent alors ce personnage sulfureux et décrié, mais c'est aussi sa force. Comme ancien agronome productiviste, la parole de René Dumont a du poids au-delà des cercles environnementalistes. Dans son petit livre « L'utopie ou la mort », publié en 1973 et vendu à 150 000 exemplaires, il énonce au credo. Ce texte mérite d'être lu aujourd'hui, 40 ans après. Il critique de façon radicale et violente la société du gaspillage. Il met en cause les pays riches égoïstes. Il s'en prend à l'automobile, symbole de nos aberrations. Il dénonce les industries mécanisées qui ruinent les artisans locaux et bouleversent les environnements. Il constate que jamais une société humaine n'a perdu au même point que la nôtre le contrôle de sa démographie, de sa technologie, de son modèle de consommation. Il est curieux, ajoute-t-il, qu'il ait fallu attendre jusqu'à ces dernières années pour qu'une telle évidence, la limitation des ressources, dépasse un petit cercle d'initiés. Elle ne m'avait pas tellement frappé. C'est assez visionnaire quand même. Et ça, c'est en 73. Voilà. Est-ce que tu as les chiffres de ce premier candidat écologiste aux élections présidentielles de 74? Il a fait un peu plus d'un pour cent. Plus que l'Américain dont tu nous parlais tout à l'heure. Et il a un petit côté Dédé Cidre, je trouve. Il est contre la démographie galopante. Dédé, si tu nous écoutes, et les auditeurs qui ont entendu l'émission de Dédé Fleur de Peau, qui ne propose plus en ce moment, mais qui a été très longtemps sur notre antenne. Et au moins, s'il nous écoute, c'est qu'il fait une bonne chose. Alors, on attend 72, on va y rester. Ah voilà, je suis content que tu prennes ce magazine là, ce journal, parce que encore une fois, un des dessins me plaît beaucoup et je pense qu'il va plaire aussi à Lou. Ce côté baba cool. Ah, le van. C'est un combi ça. Voilà, ouais, qui en fait c'est le van. Comme on a la radio, les. C'est l'or. Voilà. Non, mais on dit. Pas savoir, mais en fait, imaginez-vous un van comme on se les imagine, les vannes de Baba Cool, bah, avec combis. Des fleurs partout. Les combis, ça, en fait, ça porte un nom, c'est les combis, C-O-M-B-I. Moi, j'appelle ça un van. Oui, voilà, mais c'est les combis. En fait, le dessin, c'est un leurre. En fait, on voit en dessous une belle limousine avec des capitalistes, avec le haut de forme et puis les cigares. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait, le dessin n'est pas tout à fait inexact. Hein. Mais enfin bon, faut pas voir que le mauvais côté des choses, parce que ça n'a pas amené que des mauvaises choses. Hein. Alors, le club de Rome, ça vous dit quelque chose quand même? Le club de Rome. Bah, c'est un club qui si tu me dis la Lazio de Rome, ça va parler. La S Rome. Non, pas de foot, arrête. Faut pas qu'on parle de foot dans cette émission, sinon Lou, elle va nous frapper. Et en plus, je vous rappelle, c'est moi qui suis à la technique, hein. Ouais, elle va même censurer. Bon, ben, je vois que vous n'êtes pas doué quand même. Bon. Aurelio Pécaille, ça te dit quelque chose peut-être, non? Bon, c'est pas grave. Alors, c'est... Il attend même plus qu'on réponde. C'est un industriel italien. Bon, on en profite pour, pour saluer Louzain. C'est l'écologie. Ah, mais alors là, toi, t'as décidé des hommages, des clins d'œil à tous ceux qui sont passés et qui font encore partie. J'oublie Raymond aussi. Si, écoute. C'était le... je fais un aparté. Raymond, il a fait partie du PSU. Pour considérer que c'est peut-être le premier parti écologiste avant les Verts. Raymond Claudel. Voilà. Enfin, PSU qui faisait des scores assez faibles. Enfin, il se fait rattraper par le PS maintenant. Qui était prof au TIO aussi. Oui. Je sais pas, mais enfin bon. Donc je parlais d'Arthur Pécaille, je sais pas comment ça se prononce exactement. Il a créé en 68 le Club de Rome. Il était dirigeant de Fiat puis d'Olivetti. C'était un ancien résistant antifasciste, mais aussi un capitaliste convaincu. Avec l'argent de la fondation Rockefeller, de Fiat et de Volkswagen, c'est encore une œuvre totalement désintéressée. Hein. Il commandite le rapport Meadows, publié en 72. Un document qui estimait que le monde courait à la catastrophe écologique si la consommation de ressources se poursuivait à un rythme effréné. Mais contrairement aux intentions qu'il prête trop souvent, Pécaille n'a pas pour ambition de refondre l'ordre économique mondial. Au contraire, ses financeurs à lui cherchent à pérenniser un capitalisme que la crise écologique pourrait mettre à mal. Le rapport Meadows dresse alors un constat inquiétant et le Club de Rome propose des solutions. Il s'en prend d'abord à la croissance de la population mondiale qu'il décrit comme une métastase cancéreuse. Dans un de ses ouvrages, il écrit « Excepté les insectes, rares sont les espèces qui se multiplient aussi farouchement et aveuglément que la nôtre. En outre, elle s'est démontrée vorace et insatiable bien au-delà des limites physiologiques. Pour sauvegarder à la fois les ressources naturelles et le capitalisme, il faut donc réduire la population mondiale en commençant par les pays pauvres. » Donc il considérait également que les principes de la souveraineté nationale sont un des obstacles majeurs sur la voie du salut collectif de l'humanité. Il est temps quand même. C'est en 72, mais on voit qu'on a l'impression qu'il ne s'est rien passé depuis 45 ans. Je vois que tu es sans voix, là. Oui, non, mais moi, j'allais dire rien passé, je suis pas d'accord. C'est qu'au contraire, ça a augmenté. Enfin, le capitalisme a pris encore plus de place. On voit que on constate que les hommes comme que lui, Reine du Monde, écrivait en 72, c'est pire maintenant. Mais c'est ça. Je parlais de Renaud Dumont, ce qui sont en train, le futur qui nous prévoit, c'est quand même très inquiétant. Hein. On parle du changement climatique, mais on ne parle pas d'autre chose. Est-ce que tu connais le procédé à Burbosch? Non. Eh ben, je vais t'apprendre un truc, c'est certains qui considèrent que c'est la plus grande invention du XXe siècle. Redis voir le nom du procédé. Haber Bosch. Alors Haber, c'est celui qui a inventé le zyklon B. Hein. Qui a inventé? Le zyklon B. En fait, c'était la synthétisation de l'azote. Le zyklon B, c'est ce dont on servait dans les chambres à gaz. Ouais, c'était un insecticide ou un désherbant, je ne sais plus. Ouais. Et là, c'est un procédé qui a permis de faire exploser les rendements agricoles. Mais le problème, c'est dépendant des énergies fossiles. Ce que prévoient certains écologistes, c'est l'effondrement de notre société là, à cause de la fin des énergies fossiles. C'est prévu pour demain, ça. Alors, je parlais de tous nos écolos professionnels, mais bon, ça les intéresse pas. Hein. Ils sont plus souvent habilités à se bagarrer pour des places. Je voulais parler aussi des opportunistes, mais j'aurais pas le temps. Je voulais parler aussi du ministère de l'Environnement, mais j'ai pas le temps. Parce que le ministère de l'Environnement, c'était quand même une sacrée histoire aussi. On écoutait Dutronc tout à l'heure avec Le Petit Jardin. Il a une super chanson aussi sur les opportunistes, hein, qui s'appelle L'Opportuniste. Ouais. Parce qu'en fait, il me reste 2 minutes, mais le ministère de l'Environnement, en fait, il a été créé en 71. De toute façon, tout ce que tu me laisses, c'est les années 70. Par Pompidou, en fait, parce qu'en fait, c'était une sorte de cautionnement. En fait, truc pour dire qu'on fait quelque chose, mais en fait, dans le fond, on ne change rien du tout. Et c'était décerné un drôle de titre, c'est de ministre de l'impossible. Ça, le premier titulaire s'appelait Robert Poujade. Hein, le budget d'environnement, au début, c'était un budget faramineux, c'était 0,1% du budget du ministère. Avec ça, on fait des choses, hein, quand même. Les journaux d'époque, on dirait. Ouais, presque. Il date des années 70. Il s'est décerné le titre de ministre de l'impossible. Et il s'est attiré cette remarque. C'est intéressant, votre ministère, mais il ne devrait rien coûter à l'État. Tu sais qui c'est qui disait ça, non? C'était Giscard d'Estaing. Feu Valéry. Ah non, il est encore en vie. Non, oui. il est toujours là. En fait, on essaie de nous faire croire avec Nicolas Hulot que le ministère de l'Environnement, c'est de la transition écologique maintenant. Mais on a très rarement parlé d'écologie. C'est pas innocent. Parce que, quand on parle d'environnement, on est dans l'idée de gestion. Hein. Gestion capitaliste de l'environnement. Mais surtout pas l'écologie. Hein, mais... Bon, là, je digresse, hein, même parce qu'on a parlé de Valéry Giscard d'Estaing, et du coup, je suis en train de penser... Bon, on parle de la com de notre président actuel, mais vous avez peut-être vu des images dans les différents bêtisiers de Giscard d'Estaing quand il était président. Et alors, Giscard d'Estaing au sport d'hiver, Giscard joue au foot, au tennis... on le voit en vidéo en train de pratiquer plein de sports, c'est marrant. Ça me fait toujours sourire parce qu'il était tout raide. Voilà. On en a fini. Je voulais parler des opportunistes, mais j'en ai parlé au début de cette émission. Donc, je ne sais pas. On s'en contentera. De toute façon, on a bien peut-être compris. Peut-être pour ta prochaine émission. Voilà. Je vais reparler peut-être du ministère de l'Environnement un de ces jours. C'est quand? Est-ce que tu as une date à nous proposer? C'est le mois prochain. Dans 4 semaines, c'est ça? Oui, alors si tu me permets de sortir mon agenda pendant que je mets déjà le générique en route. Donc tu dis dans 4 semaines. Alors une petite émission sur la surveillance, c'est tiré? Oui, avec plaisir. Big Boss. Une petite histoire de la surveillance. Ce sera vers le 14 novembre. Attention, il y a des caméra qui nous filme. C'est vrai. Donc 14 novembre, on est partant pour parler de la surveillance. Et puis voilà. Pour cette émission, si vous voulez la réécouter, c'est possible. Oui, c'est moi qui dois l'annoncer. Mais je crois bien. Alors, elle sera en podcast sur notre page, sur notre site internet Radio Guémouzo, rubrique émission et rediffusion. Ce qu'il faut savoir avec Antoine, si je me trompe pas, c'est la première fois que j'annonce tes rediffusions. Et je vais vite chercher aussi les rediffusions de tes émissions, ce qui doit être certainement noté sur le site. Donc, ce sera vendredi à 9h. Je sais pas si ce sera ce vendredi parce qu'on a éteint tous les ordinateurs avant que j'arrive. Il faut que je rallume tout. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Mais oui, donc vendredi à 9h, et j'imagine que c'est ce vendredi, je vous cherche l'information pour confirmer. Et non, ce sera pas ce vendredi, ce sera probablement vendredi prochain à 9h, la rediffusion de Ce qu'il faut savoir avec Antoine. Ça te va ? Ça va. De toute façon, on peut écouter tous les jours sur le site internet. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, bon bah Antoine, Mika, merci beaucoup pour ce moment. Merci. C'était très sympa. Antoine, hello. Bonne et soirée. À vous qui écoutez. Au revoir. Ouais. C'est un adage hollandien, ça c'est sous-entendu. Allez, on se retrouve le 14 novembre sur le 107 pour la prochaine de Ce qu'il faut savoir avec Antoine. Au revoir tout le monde.